Alors que l'Europe entière et une partie du monde a les yeux tournés vers l'Ukraine et la menace que fait planer la Russie sur la paix mondiale, une autre menace continue, elle, de planer et risque de passer partiellement inaperçue, une fois de plus éclipsée par l'actualité. Le deuxième volet du sixième rapport du GIEC a été rendu public ce matin, alors que le premier volet rendu public, lui, au milieu de l'été dernier, prévenait déjà que les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Ce deuxième volet enfonce le clou et se veut un avertissement terrible sur les conséquences de l'inaction, mais aussi un soupçon d'espoir en déclinant les possibilités d'adaptation. GIEC, deuxième manche, adaptation, c'est le programme climatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner le contenu donc de ce deuxième volet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Christophe Cassou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes climatologue, directeur de recherche CNRS au Centre européen de recherche et de formation avancée au calcul scientifique, le CERFAX. Et Laurent Bob, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là aujourd'hui même, océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur du département de géosciences à l'École normale supérieure. Je précise que vous avez tous deux participé à la rédaction de ce sixième rapport du GIEC. Christophe Cassou sur le volet 1, Laurent Bob sur le volet 2, le volet 3 doit être dévoilé dans le courant du mois de mars. Mais avant donc de se pencher sur ce deuxième volet en détail qui a été détaillé tout à l'heure en conférence de presse, celle qui suit en direct chaque jour l'évolution du climat et de la recherche scientifique, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal et cette semaine avec une étude parue dans Science Advances. Les produits de nettoyage produisent de grandes quantités de particules polluantes. Et cette équipe franco-américaine a voulu mieux quantifier la pollution de l'air intérieur. Les chercheurs ont mesuré la production de particules lorsqu'on fait le ménage dans une pièce fermée. Ils ont passé la serpillière pendant 15 minutes avec des produits ménagers classiques. Une activité banale qui a d'ailleurs augmenté avec la crise sanitaire. Alors grâce à un compteur de particules, ils ont suivi le taux de particules atmosphériques les deux heures suivantes. Ils ont découvert que les monoterpènes, cet ingrédient qui donne ce parfum frais ou de sapin au nettoyant ménager, que ce produit chimique interagit avec l'ozone et produit des particules fines à des niveaux comparables, voire supérieurs, à ceux que l'on trouve sur des routes urbaines très fréquentées. Selon les auteurs, d'autres études sont nécessaires pour en évaluer les risques sanitaires. Véronique Riffaut est professeure et chercheuse en sciences de l'atmosphère au Centre Énergie et Environnement de l'Institut Mines Télécom à Lille-Douai. Et donc, très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une formation de particules, et de particules plutôt très fines, qui sont formées en fait à partir des espèces gazeuses, des espèces qui sont présentes dans les solvants ménagers, dont on sent l'odeur, hein, ce sont des composés organiques volatiles. Et ces espèces vont en fait pouvoir réagir dans la pièce avec des radicaux, avec de l'ozone qui arrive par le système de ventilation depuis l'extérieur, et donc créer ces particules en fait, créer des espèces de plus en plus lourdes finalement, s'oxyder, c'est en fait en s'oxydant que des espèces de plus en plus lourdes sont formées. Du coup, ce sont des espèces qui sont tellement lourdes qu'elles finissent par s'agréger entre elles et former des particules. Oui, c'est des polluants qu'on appelle les aérosols organiques secondaires. C'est ça, alors... Et on s'aperçoit qu'on forme des particules très très fines, ce qu'on va appeler dans notre jargon les particules ultra fines, c'est-à-dire inférieures à 100 nanomètres, parce que justement on démarre vraiment de tout petits agrégats de molécules. Et donc ce sont des phénomènes comparables à ce qu'on retrouve en fait quand on a des gaz d'échappement qui peuvent aussi former des particules. Mais effectivement, ce qui va poser problème, c'est l'exposition des personnes. Si les gens ne le font pas en aérant la pièce en même temps, c'est aussi toutes les personnes qui sont dans les sociétés de nettoyage qui, elles, vont très régulièrement passer d'une pièce à l'autre et donc à chaque fois, en fait, continuer à être exposées à ce type de pollution. Alors d'abord, c'est d'avoir des produits ménagers qui soient finalement les plus simples possibles. Moins il y a d'ingrédients et moins on court le risque d'avoir type d'effet. Et puis, bien sûr, aérer et pendant l'opération de nettoyage et laisser ouvert après pour que justement, quand il y a la formation de ces particules qui arrivent assez tôt, hein, finalement, par rapport à l'opération de nettoyage, à ce moment-là, ce soit encore bien ventilé de manière à pouvoir évacuer ces polluants qu'on vient de former dans l'air intérieur. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur votre produit de nettoyage fraîcheur maritime, vous pouvez retrouver l'étude complète publiée dans CSN26 sur notre fil Twitter, comme chaque jour, @laméthodefc. Et on passe au bref. Avec la guerre en Ukraine, des tensions diplomatiques se font aussi ressentir dans les collaborations spatiales entre la Russie et l'Occident. Et suite aux sanctions américaines et européennes contre la Russie, Dimitri Rogozin, le directeur de Roscosmos, menace de mettre fin à sa coopération sur l'ISS. Dans un tweet, il a rappelé que la correction de l'orbite de la station, que ses capacités d'évitement des débris spatiaux ne dépendent que de la Russie, et qu'il est aussi possible que la structure de 500 tonnes s'écrase. Je cite, « La NASA et l'Agence spatiale européenne jouent la carte de l'apaisement. Par ailleurs, l'Agence spatiale russe a aussi annoncé la suspension des lancements des fusées Soyouz depuis Kourou, en Guyane française. » Une décision qui risque de bouleverser l'agenda 2022 d'ArianeSpace et de l'ESA. L'agence nucléaire ukrainienne a bien confirmé une augmentation du niveau de rayonnement à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le 24 février, l'armée russe s'est emparée de Tchernobyl et de sa centrale. Suite à cette attaque, les chars ont soulevé la poussière radioactive du sol jusque dans l'air, ce qui a eu pour effet une augmentation des radiations et des rayonnements Gaïa. Alors, la zone est désormais sous contrôle russe. Le niveau de radioactivité précis n'a pas été communiqué, mais cela ne représenterait aucun risque critique. Des rayonnements gamma. Gamma, pas Gaïa, oui. Pas Gaïa, c'est pas les mêmes. Enfin, selon une étude parue dans la revue Advanced Science, il serait possible de contrôler à distance des cellules cérébrales. Une équipe britannique a mis au point une nouvelle technologie de stimulation cérébrale, la stimulation magnétomécanique. Les chercheurs ont inventé cette approche magnétique et l'ont testée sur des rats. Ils ont ciblé leurs astrocytes, des cellules gliales qui soutiennent et régulent le fonctionnement des neurones et qui sont mécanosensibles. Ils ont injecté des particules magnétiques microscopiques qui se lient spécifiquement aux astrocytes. Puis, à l'aide d'un dispositif magnétique placé près du crâne, ils ont pu contrôler ces cellules grâce au champ magnétique. Ils ont aussi pu suivre leur cheminement grâce à l'imagerie IRM. Selon les auteurs, ce système de mini-aimant pourrait nous permettre de mieux étudier les cellules nerveuses et peut-être de traiter les troubles neurologiques. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'était tout à l'heure vers midi, les responsables du GIEC ont pris la parole pour présenter devant les journalistes le contenu du deuxième volet de leur sixième rapport. Le premier volet avait donc été présenté l'été dernier au début du mois d'août. Il traitait de la physique du climat et proposait des modélisations d'évolution climatique en fonction de la poursuite ou non des émissions de gaz à effet de serre. Ce deuxième volet traite, lui, des conséquences directes de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes naturels et les sociétés humaines, mais il a aussi l'ambition de montrer que des adaptations sont possibles et peuvent influer positivement sur ces modifications du climat. Je vous propose d'écouter Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, et qu'il parlait il y a quelques minutes à propos de ce rapport. I've seen many scientific reports in my time. J'ai vu beaucoup de rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de semblable à celui-ci. Le rapport du GIEC d'aujourd'hui est un atlas de la souffrance humaine et un constat accablant de l'échec du leadership climatique avec des faits et encore des faits. Ce rapport révèle que les humains et la planète se font démolir par le changement climatique. Près de la moitié de l'humanité vit actuellement dans une zone menacée. De nombreux écosystèmes ont atteint le point de non-retour et la pollution par le carbone pousse les espèces les plus vulnérables du monde sur la voie de la destruction. Les faits sont indéniables. Cette abdication du leadership est criminelle. Les plus grands pollueurs du monde sont coupables de l'incendie criminel de notre seule maison. Il est essentiel d'atteindre l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Et la science nous dit que cela nécessitera que le monde réduise ses émissions de 45% d'ici 2030 et atteigne des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d'ici 2050. Voilà un ton assez fort de la part du secrétaire général des Nations Unies, un rapport qui a marqué à ce point le secrétaire général de l'ONU. C'est plutôt bon signe, Laurent Bopp ? Oui, c'est bon signe, peut-être. Mais en tout cas, le rapport, il est effectivement sévère. Sévère sur l'intensité des impacts, la généralisation de ces impacts sur l'ensemble des écosystèmes, sur l'ensemble des secteurs et des activités humaines. Et donc, oui, il y a un côté très sombre du rapport. Il y a aussi des raisons d'espérer et des solutions qui sont discutées très largement dans ce rapport. Et donc j'espère qu'on viendra aussi sur les solutions. Bien entendu, ce sera le thème central de la deuxième partie de cette émission. Un mot, Christophe Cassou, sur ces mots effectivement assez durs. Déjà, le précédent volet, celui du mois d'août, avait déjà utilisé des formules un peu choc en disant qu'on était arrivé à la dernière limite. À force de dire c'est la fin, est-ce qu'on finit par être entendu ? Le message a le mérite d'être très clair. Donc, contrairement à Laurent, bon, j'ai pas travaillé sur ce volet 2, mais j'ai été agréablement surpris par la richesse des conclusions dans ce rapport-là, leur force. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir en fait traduit les impacts physiques qui sont développés dans le premier volet, hein, donc qui a été publié au mois d'août dernier, en humain, en quelque chose de concret, en risque et en adaptation et en solution qu'on pourrait mettre en place aussi pour au mieux s'adapter et éventuellement aussi changer nos modes de vie pour éviter l'impossibilité de l'adaptation. Moi alors, c'est pour effectivement ne pas voir que le côté noir, on va décrire hein, ce qu'il y a dans ce rapport et vous allez voir qu'effectivement ça a le mérite de mettre des mots très très clairs sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Mais Christophe Cassou, il y a aussi, j'y ai trouvé quelque chose que je n'avais pas eu l'habitude de lire jusqu'à présent en tant qu'observateur de la vie scientifique et de ces littératures autour des modifications climatiques. Je vois aussi pour une première fois pointer quelque chose qui dit que si on agit maintenant, on peut avoir des effets maintenant. Alors qu'on avait plutôt tendance à dire aujourd'hui, il y a une inertie climatique. De toute façon, on peut continuer à émettre du CO2 parce que si on arrête maintenant, ça va continuer à augmenter pendant des années. Or là, il y a quelque chose qui a changé dans le discours. Il y a quelque chose qui a changé, en tout cas, qui est beaucoup plus clair aussi et qui correspond à des conclusions qui sont assez nouvelles dans le rapport, dans le volet 1 du GIEC, qui montre que, en fait, l'inertie du système climatique ne serait pas aussi grande qu'on l'imaginait au sens géophysique du terme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par une expérience de pensée, on arrête d'émettre du CO2, en fait, la température globale de la planète et les extrêmes qui sont proportionnels à cette température globale de la planète, les extrêmes qui sont les canicules, les pluies diluviennes, etc., etc., cette température globale se stabiliserait. D'autres impacts seraient irréversibles, hein, la hausse du niveau de la mer, mais en tout cas, on stabiliserait cette température globale, et en particulier sur les continents où nous, sociétés humaines, vivons. Donc l'inertie n'est pas due à la géophysique du système, elle est due aux sociétés humaines, elle est due à nos infrastructures, elle est due au fait qu'aujourd'hui, nous, dans notre fonctionnement, dans notre mode de vie, on ne peut pas s'arrêter d'émettre du carbone du jour au lendemain. Mais la géophysique nous prouve que si aujourd'hui on prend des mesures immédiates, rapides, à grande échelle, c'est-à-dire dans tous les secteurs, on arriverait à contrôler, à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5, en tout cas en dessous de 2 degrés. Alors on va revenir sur les chiffres précis. Ça, c'était pour le volet 1, mais également dans le volet 2, Laurent Bopp, il y a cette notion de dire que nous avons des outils d'adaptation déjà entre nos mains. C'est-à-dire de dire qu'il ne faut pas créer des choses, il ne faut pas partir de rien pour imaginer des solutions à moyen ou à long terme. C'est ce que dit ce rapport, c'est qu'on peut commencer à agir tout de suite. Ce que dit ce rapport, c'est qu'on a déjà commencé à agir. On ne va pas suffisamment loin, ça va trop lentement. Les solutions d'adaptation qui sont déployées aujourd'hui, elles sont importantes, mais elles ne suffisent pas à adapter nos sociétés au changement climatique déjà en cours. Mais oui, ce rapport est un rapport de solutions aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que le volet 1, finalement, qui nous présente les bases physiques du changement climatique, discute peu des solutions. Et donc, il faut attendre le volet 2 pour discuter des solutions d'adaptation. Comment est-ce qu'on peut s'adapter aujourd'hui et comment on peut s'adapter demain au changement climatique à venir? Et le volet 3, dans quelques semaines, qui discutera des solutions d'atténuation du changement climatique. Et donc, il faut vraiment lire ces trois volets comme un seul rapport. Le premier qui pose les bases physiques du changement climatique, observées et à venir en fonction des scénarios d'émission. Et puis, ce volet 2 et le volet 3 à venir, qui discutent des solutions d'adaptation et d'atténuation. Donc, je crois que c'est en regardant ces volets du rapport du GIEC aussi qu'on peut discuter du changement climatique dans toutes ces dimensions en discutant aussi de ces solutions. On peut peut-être préciser et rappeler à toutes fins utiles que, contrairement à ce qu'on peut entendre, le GIEC ne produit pas d'études, le GIEC ne conseille rien, le GIEC, rappelez-nous un peu quelles sont les circonstances, puisque vous avez tous les deux travaillé sur ces volets, du travail, puisque c'est essentiellement un travail de compilation et d'analyse de données que vous effectuez pour mettre à jour finalement l'état de la connaissance scientifique autour du réchauffement climatique via toutes les études qui sont menées à travers la planète. Laurent Bopp. Oui, alors pour ce volet, le volet 2 du sixième rapport du GIEC, c'est 270 auteurs à peu près de 70 pays dans le monde qui vont travailler pendant 3 ans à la rédaction de ce rapport-là. Alors, ils ne produisent pas de science, ils ne produisent pas de recherche, et ils vont rédiger ce rapport en partant de la littérature scientifique. Donc, c'est plus de 30 000 publications scientifiques qui ont été compilées, analysées pour la rédaction de ce rapport-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, au-delà de l'aspect rédaction, le rapport est relu par l'ensemble de la communauté. Et donc, il y a trois phases de relecture par des experts scientifiques, des experts nominés par les gouvernements. Et ces commentaires, plus de 60 000 commentaires, sont ensuite finalement utilisés par les auteurs pour améliorer les différentes versions de ce rapport. Donc c'est un vrai travail communautaire finalement. C'est comme ça qu'on dégage le consensus sur les différents éléments qui concernent le changement climatique. Christophe Cassou, sur ce travail, puisque il faut rappeler que le rapport précédent du GIEC date de 2014. Donc c'est un vrai travail au long cours et qu'il y a une mise à jour des données depuis les connaissances qui étaient les nôtres, non pas tellement en 2014, puisque ça se basait sur des études qui étaient produites avant. Donc ça fait quasiment une dizaine d'années finalement. Oui, exactement. En fait, le GIEC produit des rapports de manière périodique et l'échelle de temps caractéristique de ces rapports, c'est 6-7 ans. Donc comme vous le soulignez, le dernier rapport date de 2014. Aujourd'hui, on est en 2022. Et il faut. Je rebondis sur ce que dit mon collègue Laurent, c'est sur le fait qu'il faut voir ces rapports, ce volet 1, volet 2, volet 3, comme une histoire. Une histoire, un narratif, qui permet donc pour les décideurs d'avoir une évaluation des connaissances qui soit la plus exhaustive, la plus transparente, plurielle. Qui correspond à l'état des connaissances aujourd'hui en termes de sciences du climat et qui doit aider à la décision. Donc ce sont des rapports pour les décideurs, certes, parce qu'ils interviennent aussi dans le processus. Il y a une discussion à la fin de la rédaction de chaque volet, on appelle ça les séances d'approbation avec les représentants des 195 délégués de l'ONU. Il y a cette discussion-là, donc c'est un rapport avec les décideurs, mais c'est aussi un rapport pour la société civile. C'est un rapport pour les citoyens doivent s'emparer de des informations, des conclusions, pour ensuite les porter à tous les niveaux, associatifs, gouvernementaux, etc., etc. Et on verra tout à l'heure justement à travers le reportage sur le Haut Conseil pour le Climat qui est la cellule qui permet justement de transposer ces rapports en conseil pour les décideurs politiques. Et on comprendra comment tout ça s'organise. Mais eh bien tout de suite, on va ouvrir ce rapport, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et effectivement, vous allez voir, c'est pas très réjouissant pour le sort de notre planète. France Culture. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 4h15, donc, nous parlons de ce deuxième volet du sixième rapport du GIEC qui a été dévoilé tout à l'heure, il y a quelques heures. Nous en parlons avec Christophe Cassou et Laurent Bopp qui ont tous les deux travaillé. Christophe Cassou sur le premier volet, Laurent Bopp sur le deuxième volet. Laurent, justement, puisque vous avez travaillé sur ce deuxième volet, je vous laisse la primauté. Quel est le constat? Pour parler du constat, et nous parlerons encore une fois de l'adaptation après, mais ce constat-là, qu'est-ce qu'il compile? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous apprend que nous ne sachions pas? Alors, le rapport montre des impacts du changement climatique plus sévères, plus généralisés que ce que disait le précédent rapport. Alors, parce qu'on a plus de temps et un réchauffement qui s'est accéléré, mais aussi des impacts qui sont sans doute plus sévères que ceux qu'on attendait il y a quelques années. Et ces impacts, ils concernent l'ensemble des écosystèmes de la planète, dans les océans, sur les continents, et ils concernent les sociétés humaines avec un changement climatique qui affecte des milliards d'habitants de la planète. Alors on peut rentrer dans les détails, et on va le faire ensemble, mais ça c'est un premier constat qui est bien plus sévère que celui qu'on avait auparavant. Donc le changement climatique, et on parle pour l'instant de 1,1 degré de réchauffement, et Christophe reviendra peut-être sur cette intensité du réchauffement, mais ce réchauffement d'1,1 degré, il est déjà responsable de modifications généralisées, sévères, importantes des écosystèmes et de la vie d'une majorité des habitants de la planète. D'une majorité, qui touche concrètement, dans le rapport, c'est dit 4,8 milliards, donc c'est-à-dire plus de la moitié de la population du globe. Absolument. Donc, et pourquoi? Parce que ce changement climatique, il touche quasiment l'ensemble des secteurs d'activité de la planète. On parlera d'agriculture, on parlera de pêche, on parlera de la santé, on parlera de la faim dans le monde. On pourra parler aussi des villes, des campagnes. Et donc, les différents secteurs d'activité sont effectivement étudiés dans ce rapport-là. Alors, vous venez de le dire, Laurent, c'est aujourd'hui le réchauffement climatique, il est quantifié à plus 1,09 degré Celsius par rapport à l'ère industrielle. Ce que dit ce rapport, Christophe Cassou aussi, c'est que les accords de Paris qui voulaient limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est perdu. Le 1,5 degré, grosso modo, on va les atteindre. Le 1,5 degré sera atteint dans la décennie 2030. En 2030. De manière inéluctable. Et comme je le disais au début, parce qu'en fait, on ne peut pas limiter nos émissions de gaz à effet de serre de manière assez rapide pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il ne faut plus émettre du tout il ne faut plus accumuler de CO2 dans l'atmosphère. Donc, du fait qu'on ne peut pas atteindre cette neutralité carbone assez rapidement, ce seuil de 1,5 degré sera franchi. Aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire, si l'on tient compte des promesses qui ont été faites à Glasgow lors de la COP26, on est plutôt sur une trajectoire qui nous amène à la fin du siècle vers 2,73 degrés. Mais ce qui est important de voir, d'intégrer, c'est que ces seuils de réchauffement, ils sont atteints assez rapidement, donc 1,5 degré en 2030, 2 degrés peut-être en 2050. 2050, c'est dans 28 ans, hein, c'est demain. Et il y a vraiment cette proportionnalité entre les événements extrêmes qui donnent des impacts plus forts. Et dans ce rapport-là, il y a une réévaluation en fait des impacts liés à ces événements extrêmes qui est assez, assez significative. Donc, chaque fraction de degré compte. Donc, 1,5 degré, c'est une augmentation des extrêmes. Par exemple, sur la France, on pourrait y revenir, si vous voulez, sur les canicules. Hein. Par exemple, la canicule de juin 2019, si je prends cet analogue-là, aujourd'hui, avec un réchauffement de 1,1 degré, elle a une probabilité de 1 chance sur 50. Chaque année, on a 1 chance sur 50 d'avoir cette canicule. Avec un réchauffement de 1,5 degré, on passe à 1 chance sur 10. Un réchauffement de 2 degrés, on passe à 1 chance sur 4. 2 degrés en 2050, c'est-à-dire dans 28 ans. 1 chance sur 4, c'est considérable. 46 degrés dans Languedoc-Roussillon, ça veut dire qu'il y aura des étés qui seront encore plus chauds avec certainement des valeurs qui seront proches de 50 degrés. Donc en fait, ce que le groupe 2, le volet 2 montre, c'est que le changement climatique tue déjà. Et le changement climatique va tuer davantage si on n'arrive pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre et à contraindre la température globale de la planète, qui est vraiment un indicateur très important pour les impacts. Et qu'on a pris du retard ou de l'avance, plutôt de l'avance malheureusement, du retard sur la limitation des émissions, mais de l'avance sur l'augmentation des températures, Laurent Bob, puisque ce 1,5 degré en 2030, c'est 10 ans plus tôt que prévu. Donc ça veut dire que non seulement on n'a pas pas tout à fait, je vous vois agiter la tête, non, mais corrigez-moi, je vous en prie, mais c'est une dizaine d'années plus tôt. Non, Christophe Cassou, sur cette question, c'est pas 10 ans, on n'a pas 10 ans d'avance sur le planning. Non, on n'a pas 10 ans d'avance. En fait, non, c'est vraiment l'incrément de la science et comment la science évolue. En fait, les estimations n'avaient pas été faites de la même manière dans les précédents rapports. Donc, une fourchette qui était donnée donc avec 1,5 degré qui pouvait aller jusqu'en 2050, hein, la possibilité d'atteindre 1,5 degré en 2050. Là, aujourd'hui, on a un meilleur estimateur et ce meilleur estimateur est donné autour des années 2030. Donc il n'y a pas 10 ans d'avance, mais ça arrive plutôt que prévu malgré tout. Ça arrive vite. Plus vite que prévu, voilà. Presque plus tôt. Laurent Bob, pour la suite, alors concrètement, Christophe Cassou parlait des canicules, mais ce qu'il y a dans ce rapport, c'est de dire que finalement, il est tout à fait sourcé sur ce qu'on a connu l'été dernier, c'est-à-dire les feux géants de forêt dans l'Ouest américain et en Australie, les inondations catastrophiques en Allemagne et en Chine. Quoi d'autre ? Le thermomètre, évidemment, les pics de chaleur de 48 degrés au Canada. Donc en fait, finalement, tout ça, toutes ces itérations climatiques-là, ce que dit le rapport, c'est que, eh bien, ça va devenir notre quotidien quasiment. Oui, ce que montre le rapport, c'est ces changements qui sont déjà là pour ce 1,1 degré de réchauffement. Alors oui, par exemple, aux États-Unis, ce que montre le rapport quand on s'intéresse à plus qu'un seul été, c'est une augmentation très importante des surfaces qui sont affectées par ces feux de forêt, hein, une augmentation de 900% au cours des dernières décennies aux États-Unis, des impacts très forts sur les écosystèmes. Plus de la moitié des espèces qui ont été étudiées dans ce rapport-là sont en train de migrer vers les pôles, qu'on soit dans les océans ou sur les continents. Pour donner d'autres chiffres, dans les océans, ces espèces migrent à des vitesses de l'ordre de 60 km, se déplacent de l'ordre de 60 km par décennie vers les pôles. Donc on a des modifications de l'ensemble des écosystèmes sur les continents et dans les océans. On observe aussi des extinctions locales en lien avec, par exemple, les épisodes de blanchissement qui ont eu lieu et qui ont été fréquents ces dernières années dans les océans tropicaux. Les coraux, ouais. Absolument, c'est la réponse des coraux à ces canicules marines, si vous voulez. Et puis, un focus sur un certain nombre d'écosystèmes très vulnérables, dans les océans avec, encore une fois, les récifs coralliens, mais aussi ces forêts de laminaires, ces grandes algues, en particulier dans le Pacifique Nord, qui ont été fortement touchées par ces épisodes de vagues de chaleur marine ces dernières années, et puis les forêts tropicales aussi, qui ont vu un grand nombre d'espèces et d'arbres affectés par ces épisodes de sécheresse au cours des dernières décennies. Donc on voit bien que les écosystèmes, partout sur la planète, sont affectés par le changement climatique. Et ces modifications se répercutent sur les sociétés humaines, avec des impacts sur l'agriculture, des baisses de rendement dans certaines régions du monde, sur la pêche, avec là aussi des pertes de biomasse dans certaines zones liées au changement climatique, les pénuries en eau, la mortalité liée aux canicules. Donc oui, c'est un tableau sombre sur ces impacts. Et qui touche, encore une fois, tous les degrés de nos santé, notre société, nos villes, nos campagnes. C'est vraiment des conséquences quasiment strictement pour tout le monde. Oui, alors, quand on parle de risque du changement climatique, on a la partie purement climatique. On parle d'aléas climatiques, de ces événements extrêmes, de cette augmentation de température, de la montée du niveau des mers. Mais ensuite, pour bien comprendre le risque, il faut multiplier cet aléa climatique par d'autres quantités. L'exposition, est-ce qu'on est dans une zone où il y a des populations, où il y a des espèces dans l'océan ou sur les continents, et puis la vulnérabilité de ces populations ou de ces écosystèmes. Et donc le rapport s'intéresse aussi à la vulnérabilité des populations, par exemple. Ce que montre le rapport, c'est que dans certaines zones en particulier, dans des zones tropicales, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie du Sud, mais aussi en Arctique, on a des populations qui sont très vulnérables au changement climatique. Et donc, une des conclusions du rapport, c'est qu'aujourd'hui, on a près de la moitié de la population, hein, c'est ce que disait le secrétaire général de l'ONU, entre 3,3 et 3,6 milliards d'habitants sur la planète qui sont dans ces zones très vulnérables au changement climatique. Une autre façon de le dire aussi, pour bien comprendre l'importance de la vulnérabilité, on parlait de l'effet du changement climatique en France, par exemple, avec la canicule de 2019 ou 2003. Si on s'intéresse au même type d'événements extrêmes dans des régions qui sont plus vulnérables, ce que montre le rapport, c'est que ces mêmes événements extrêmes, ils peuvent être beaucoup plus mortels dans des régions vulnérables, avec une mortalité 15 fois plus importante dans les zones très vulnérables par rapport à des zones qui sont moins vulnérables. Donc encore une fois, pour regarder les impacts du changement climatique, il faut travailler sur ces aléas climatiques, donc la physique du système climatique, mais aussi la vulnérabilité et l'exposition des populations. Alors, on vous a mis le différents liens pour que vous voyez en détail. On va pas passer notre heure à énumérer ces conséquences. Je peux vous en donner quelques-unes parce qu'elles sont très choquantes. Ouais. Utilisons ce mot-là. Elles sont très choquantes parce que elles sont mises en perspective pas uniquement dans une temporalité courte, c'est-à-dire qu'elles montrent qu'à la fois dans une temporalité courte, les choses ont accéléré, augmenté, et elle montre que dans une temporalité plus longue, on atteint des niveaux jamais connus. Par exemple, pour la hausse des océans, 20 cm depuis 1900, on pourrait monter de 50 cm d'ici 2100, même en supposant de limiter le réchauffement à 2 degrés sur la fonte des glaces et des cycles gel-dégel de plus en plus courts. Vraisemblablement une disparition de la calotte polaire arctique, une grande partie de la banquise est au plus bas depuis 1000 ans. Enfin, donc on a vraiment l'impression qu'on atteint des limites ou ces fameux cette question. Alors ça, je ne l'ai pas. Peut-être que vous pouvez m'en dire un mot, Laurent Bopp. Je ne l'ai pas trouvé, cette fameuse question du point de dépassement, du tipping point. Est-ce que quelque chose a été dépassé qui n'est plus, on ne peut plus revenir en arrière jusqu'à un certain point? Oui, il y a cette légende du tipping point. Alors qu'il faudrait dire point de bascule. Il faut dire les tipping points. Il y en a toute une série et il y en a évidemment un certain nombre qui sont déjà dépassés. Et il y en a d'autres qu'on dépassera dans le futur. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'en dépasser trop. Alors, oui, on parle de tipping point quand on parle de changement irréversible. La montée du niveau des mers va continuer à se produire au cours des prochaines décennies, avec des niveaux d'intensité très différents en fonction des scénarios d'émission, mais on a effectivement un phénomène irréversible, en partie lié à l'absorption de chaleur par l'océan ou à la fonte de la calotte en Antarctique. Donc oui, on a déjà franchi un certain nombre de tipping points. Quand on s'intéresse aux extinctions d'espèces, c'est aussi un des points forts de ce rapport, de regarder les écosystèmes. Là aussi, on a un certain nombre de points de bascule dans un grand nombre d'écosystèmes, avec des modifications irréversibles de certains écosystèmes quand on dépasse certains degrés de température. C'est vrai pour les coraux dont on a déjà parlé. Au-delà d'1,5 degré ou de 2 degrés, on pourrait perdre la quasi-totalité des récifs coralliens sur la planète. Donc ça, c'est un point de bascule important. On verra qu'il y en a quelques autres, en tout cas, qui sont non pas pointés comme étant des points de bascule irréversibles, mais qui sont précisément dans la solution adaptation des endroits où l'on dit que on peut intervenir maintenant pour éviter justement la bascule. Peut-être un dernier mot pour tous les deux. Moi, je fais toujours aussi quelque chose qui me surprend toujours un peu vis-à-vis de la prose du GIEC ou de ce type de prose, c'est que le descriptif est effectivement très dur. Vraiment, enfin, ça ne prend pas de détour. On voit un certain nombre d'indicateurs que l'on vient d'énumérer qui, je pense, vous auront certainement saisi, puisque le rapport pointe 127 risques clés en tout. Et d'un autre côté, il y a cette espèce de formulation que je trouve quasiment euphémistique. Voilà, qui, par exemple, je cite, si on ne parvient pas à mettre en place un développement durable et résilient au changement climatique, l'avenir sera sous-optimal pour les populations et la nature. C'est une façon, je ne sais pas, Christophe Casson, un commentaire sur cette drôle de prose du GIEC qui parfois te paraît un peu flottante comme ça, non ? Oui, elle paraît un peu flottante, mais il faut savoir qu'en fait, ces phrases-là correspondent à, ou ces conclusions-là, hein, correspondent à la relecture, à l'évaluation de 260 auteurs par groupe, et ensuite au passage par une séance d'approbation avec les 195 représentants des gouvernements. Et donc il y a un phrasé qui doit être accepté par l'ensemble des parties prenantes. Et donc oui, ça paraît peut-être un peu comme un langage onusien, un langage un peu mou, mais les conclusions sont vraiment claires, hein. Le changement climatique est un voyage qui est sans retour, hein. On atteint des seuils d'irréversibilité, et puis en territoire inconnu. Dans l'espèce humaine, on aura, si on atteint 2 degrés de réchauffement, il faut remonter à 2 millions d'années, hein, je répète le chiffre, hein, 2 millions d'années, pour avoir une température globale de la planète aussi élevée, et il y a 2 millions d'années, l'espèce humaine n'existait pas. Donc nous rentrons vraiment en territoire inconnu. Donc c'est la déclinaison en fait de tous ces indicateurs-là, ce qui se trouve ensuite dans le rapport, hein, de manière extrêmement précise et dans un langage qui peut être moins policé, qui est intéressante. Et c'est celle-là aussi qui est absolument essentielle pour les décideurs, pour les techniques d'adaptation, pour l'atténuation, etc., etc. Alors justement, pour les techniques d'adaptation et d'atténuation, ce sera la deuxième partie de cette émission. Et puis c'est l'autre grand volant de ce second volet du sixième rapport du GIEC, dit dans la prose du GIEC, ça se dit comme ça, un développement résilient au changement climatique est possible lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur privé font des choix de développement inclusif qui donnent la priorité à la réduction des risques, à l'équité, à la justice, et lorsque les processus décisionnels, les financements et les actions sont intégrés à tous les niveaux de gouvernance, dans tous les secteurs et dans tous les délais. Il n'y a plus qu'à faire. Magnifique. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien un jour férié. Sans repas de famille et sans électricité. Il n'y avait rien à faire, et rien n'a été fait. Il n'y avait rien à faire, incroyable mais vrai. Aujourd'hui c'est reset, problème de scénario. L'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, 0 degrés. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens voulaient se réchauffer. Penser à autre chose, parler un peu de tout. Parler un peu c'est bien, et ça ne gâche rien. Comme ça tous en Kawaii, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait 2-3 chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit qu'il était désolé. Ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être abonnés. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. « De la neige en été de Diabologum à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons donc du second volet du sixième rapport du GIEC qui a été rendu public ce matin. Nous en parlons avec deux auteurs de ce sixième rapport, Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche CNRS au CERFAX, le Centre européen de recherche et de formation avancée aux calculs scientifiques, et Laurent Bopp, océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur du département de géosciences à l'École normale supérieure. On l'a donc précisé il y a quelques minutes, le rôle du GIEC n'est pas d'émettre directement des recommandations, c'est le rôle d'autres instances, comme en France, le Haut Conseil pour le Climat. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré l'un des membres donc de ce HCC. Oui, il s'agit de Magali Regueza, qui est géographe, enseignante-chercheur à l'École normale supérieure et membre donc du Haut Conseil pour le Climat. Elle nous explique la fonction de ce Haut Conseil, ses interactions avec les décideurs politiques sur la base notamment des rapports proposés par les scientifiques du GIEC. Et elle nous détaille également comment les nouveaux constats apportés par le GIEC dans le second volet du sixième rapport devraient être à l'avenir pris en compte. Ce Conseil pour le climat, il a été créé au départ pour évaluer la politique gouvernementale en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc nous évaluons tous les ans la stratégie nationale bas carbone, qui est le document qui cadre les actions et les politiques publiques nationales autour de la réduction des émissions. Et depuis l'an dernier, nous avons commencé à traiter le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui est le volet complémentaire de l'atténuation, de la réduction des émissions. Je suis entrée au Conseil pour le climat il y a 2 ans maintenant avec une collègue sociologue, ce qui montre aussi l'évolution des missions de ce Haut Conseil vers des approches qui prennent davantage en compte les impacts socio-économiques et les politiques publiques qui peuvent être développées pour accélérer l'atténuation, l'adaptation et transformer aussi les politiques publiques dans les territoires. Alors justement, quel est le lien que vous faites entre les rapports du GIEC et des décisions politiques? Est-ce qu'on peut parler pour le Haut Conseil pour le climat d'une espèce de relais qui va transformer la substantifique moelle proposée par le GIEC en suggestions pour les décideurs? Alors le Haut Conseil pour le climat, d'abord c'est un organe indépendant qui a pour caractéristique de proposer des évaluations et des recommandations qui sont entièrement appuyées sur des résultats scientifiques et des preuves scientifiques. Tout ce qui est avancé par le Haut Conseil pour le climat est sourcé à partir de travaux de recherche et d'expertise les plus récents. Nous nous appuyons donc sur les rapports du GIEC et certains de nos membres sont des auteurs principaux de rapports du GIEC. Valérie Masson-Delmotte est vice-présidente de ce GIEC, mais nous travaillons aussi sur d'autres rapports. L'idée étant que le GIEC, comme vous le savez peut-être, n'émet aucune recommandation mais fait des revues de littérature internationale scientifique. Tout ce qui est publié pendant les années sur lesquelles le GIEC se penche et synthétisé. Et donc nous allons travailler à partir de ces rapports, mais aussi à partir d'autres travaux d'expertise et des analyses que nous menons en interne pour pouvoir répondre aux sollicitations du gouvernement et évaluer un certain nombre de politiques qui sont dans notre mandat. Alors d'une certaine manière, le Haut Conseil a suivi la trajectoire du GIEC, sauf que celle-ci évidemment a pris place sur plusieurs années. Au départ, le GIEC s'est constitué, c'est un panel intergouvernemental, les scientifiques représentent des États, il s'est constitué pour le diagnostic sur le changement climatique et répondre à plusieurs questions qui étaient: est-il d'origine anthropique? Quels en sont les moteurs et quelles en sont l'ampleur? Il a ensuite évolué vers la question des impacts, et des impacts notamment territoriaux à travers la question des pertes et des dommages, et puis sur les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de déterminer les efforts qui devaient être accomplis et qui sont notamment actés au niveau international suite aux fameuses COP dont on a entendu parler avec l'accord de Paris. Aujourd'hui, donc le Haut Conseil pour le climat, lui, ce qu'il va faire, c'est suivre aussi cette trajectoire. On a commencé à regarder le volet atténuation, ça c'est dans notre mandat. Et puis l'année dernière, dans notre rapport annuel, nous avons aussi regardé les conséquences territoriales à l'échelle nationale et régionale des scénarios qu'on a aujourd'hui sur l'évolution de ce climat qui change. Et donc on a regardé quelles étaient les conséquences en termes d'extrêmes et en termes de ce qu'on appelle des stress chroniques. Vagues de chaleur, sécheresse, remontée du niveau marin, et aussi toutes les conséquences induites sur le travail, l'emploi, l'école, la santé. Voilà. Et donc ce que fait le Haut Conseil pour le climat, c'est vraiment d'essayer d'alerter les pouvoirs publics Et ce que nous avons recommandé l'an dernier, en amont de ce rapport du GIEC numéro 2 sur l'adaptation, c'est d'avoir véritablement une stratégie d'adaptation qui aille bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui, qui s'appelle le plan national d'adaptation au changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des objectifs chiffrés, d'avoir des jalons temporels, d'avoir une mise en cohérence des politiques, d'abord au niveau national, pour ensuite aussi donner les moyens et accompagner les différents niveaux de collectivités territoriales dans cet effort. Le Haut Conseil pour le climat, comme le GIEC, ont mis en évidence trois points. Le premier, d'abord, c'est que l'adaptation doit se faire dès à présent parce que le climat a déjà changé. Et on voit concrètement sur notre territoire, notamment chez les agriculteurs, mais aussi par rapport à la ressource en eau potable, mais aussi pour les stations de sport d'hiver, qu'il y a déjà des impacts majeurs qui touchent nos systèmes d'assurance, nos systèmes de prévention, de gestion de crise. Et donc, il est nécessaire dès aujourd'hui de revoir nos politiques de prévention et de préparation et d'indemnisation pour être capable de faire face à ça. Et puis le deuxième temps, c'est de se dire que ce climat, quoi qu'il arrive, va de toute façon changer du fait de ce qu'on appelle l'inertie climatique et que tous les degrés que nous prenons ne seront pas réversibles immédiatement. C'est-à-dire que lorsqu'on atteindra, si on l'atteint, la neutralité carbone, les compteurs s'arrêteront à l'augmentation qui est celle qu'on aura atteinte. Ce qui veut dire d'emblée qu'il faut aussi envisager de se préparer dès à présent pour essayer de limiter un maximum les pertes et les dommages. Et donc derrière, et c'est la troisième recommandation du Haut Conseil pour le climat, c'est de dire que les réponses qui sont uniquement réactives, uniquement ponctuelles, ne suffiront pas. Il va falloir engager des transformations structurelles en reliant atténuation et adaptation dans ce qu'on appelle une logique de co-bénéfice. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les mesures qu'on va prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre vont être aussi très utiles pour se prémunir des dommages qu'on ne pourra pas éviter. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans cette logique pour faire en sorte que d'ici 10 ans, notre pays, nos concitoyens, et notamment les concitoyens les plus fragiles et les territoires les plus fragiles, soient prêts à faire face à ces changements qui sont absolument inéluctables. Voilà le témoignage donc de cette membre du Haut Conseil pour le climat. Je vous rappelle que c'est une instance consultative indépendante qui a été créée en 2018, placée sous l'autorité du Premier ministre. Voilà, c'est en quelque sorte, je ne sais pas si c'est très habile de le dire comme ça, mais vous allez me contredire ou préciser mes propos, mais le bras politique de ce que pourrait être le rapport du GIEC auprès des instances dirigeantes et des gouvernants. Christophe Cassou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu? Oui, le GIEC vraiment a une approche qui est globale, hein. Comme je le disais, ce sont des rapports qui sont à destination de l'ensemble des nations, des 195 nations de l'ONU. Ensuite, l'étape importante est justement de traduire au niveau national l'ensemble des conclusions et puis mettre en place les stratégies d'adaptation et d'atténuation qui sont propres à chaque pays. Et ça, c'est vraiment très important parce que les enjeux en France sont très différents, par exemple, des enjeux dans un pays comme le Brésil où c'est plutôt la déforestation. En France, c'est plutôt les transports, le logement. Donc, chaque pays ensuite décline ses émissions de gaz à effet de serre en fonction des différents postes d'émissions qui leur sont propres, quoi. Laurent Bob, votre sentiment? Ouais, peut-être dire que dans le deuxième volet, il y a peut-être encore plus que d'habitude, plus que dans les précédents rapports, un effort pour régionaliser les informations liées aux impacts du changement climatique, mais aussi liées aux solutions d'adaptation. Alors oui, le rapport ne va pas au niveau des pays. Donc on a absolument besoin de structures telles que le HCC, en France par exemple, pour parler directement aux décideurs politiques français. Mais le rapport propose un certain nombre de chapitres par grandes régions, Amérique du Nord, Europe, Asie, Océanie, etc. Avec pour chacune des régions l'identification des principaux impacts, des principaux risques à venir, et puis l'identification de solutions qui sont spécifiques à chacune de ces grandes régions. Donc on peut trouver dans le chapitre Europe l'identification des quatre principaux risques, hein, c'est ce que les auteurs de ce chapitre identifient, ce qui est lié à la zone côtière et à la montée du niveau des mers, les risques sur l'agriculture, les risques liés aux canicules et au stress thermique. Et enfin... Les inondations. Les inondations, voilà, le risque lié au cycle de l'eau. Et donc, ça permet aussi au gouvernement en Europe de s'appuyer sur cette analyse régionale pour aller plus loin dans leur plan d'adaptation. Alors justement, plan d'adaptation, la transition est toute trouvée, on en parle depuis le début. De quoi parle-t-on exactement, Laurent Bob? Pourquoi était-il important d'inclure dans ce deuxième volet du rapport cette notion d'adaptation qui est, je le rappelle, l'idée ou en tout cas la volonté de distiller cette idée que l'on peut adapter maintenant, c'est-à-dire pas tout transformer, pas tout changer, pas partir de zéro, mais que on peut adapter nos pratiques et que en adaptant nos pratiques, on peut avoir un effet assez rapide et pas à moyen ou long terme. Donc commençons par rappeler que les deux grands piliers pour lutter contre le changement climatique, c'est un, l'atténuation. On en a déjà parlé, on en reparlera et on en parlera encore avec le troisième volet du GIEC. Donc comment limiter l'intensité du changement climatique à venir, donc l'atténuation. Et le deuxième pilier, c'est l'adaptation et les solutions d'adaptation. Le changement climatique est déjà là, on a besoin de s'adapter à ce changement climatique et dans les années, les décennies à venir, on aura besoin de s'adapter à un changement climatique sans doute encore plus important. Ce que rappelle le rapport, c'est qu'à une échelle d'une vingtaine d'années, donc d'ici 2040, le niveau d'impact dépend très peu du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure, on sait qu'on va atteindre les 1,5 degrés dans la décennie 2030. Et donc on sait que les impacts qui vont avec ce niveau de réchauffement 1,5 degrés seront là au cours de la décennie 2030. Et donc en tout cas, si on veut agir tout de suite, on peut agir sur l'adaptation pour préparer nos sociétés, adapter certains écosystèmes à ce réchauffement d'1,5 degré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en même temps, et c'est ce que rappelait Magdalena, atténuer. Mais en tout cas, pour les 20 prochaines années, on pourra mesurer des effets grâce à l'adaptation. C'est ce que rappelle ce rapport. Alors concrètement, puisque vous avez pointé les quatre grands périls qui menacent l'Europe, puisque c'est ici dont nous parlons, comment est-ce qu'on s'adapte à la montée du niveau des mers? Comment est-ce qu'on s'adapte aux sécheresses et aux canicules récurrentes? Comment est-ce qu'on s'adapte aux inondations que l'on voit de plus en plus fréquemment au journal télé mois après mois? Ouais, ce qu'on peut dire d'abord peut-être, avant d'aller dans le détail des solutions d'adaptation, c'est que, et c'est ce que rappelle le rapport, près de 170 pays sur les 195 dont parlait Christophe ont déjà dans leur plan climat des plans d'adaptation. Donc on s'adapte déjà. On s'adapte pas assez, on s'adapte à trop court terme, mais on s'adapte déjà à un certain nombre de risques liés au changement climatique. Alors le rapport du GIEC rappelle un certain nombre de solutions d'adaptation qui existent déjà, qui sont faisables et efficaces. Et donc il faut aller plus vite simplement dans le déploiement de ces solutions d'adaptation, les utiliser en même temps, réfléchir à long terme et pas seulement à court terme pour mettre en place ces solutions d'adaptation. Donc soyons un peu plus concrets, c'est quoi les solutions d'adaptation dont on parle ici? Parlons canicule, solutions d'adaptation, adapter nos villes pour que ces effets d'îlots urbains et d'augmentation de la température très importante dans les villes ne soient pas aussi proéminents. Plus de nature en ville, par exemple. Des meilleurs systèmes d'alerte, des systèmes de prévision qui vont nous permettre de mieux anticiper ces événements de canicule. Si on parle de l'agriculture, oui, changement de pratique avec d'autres espèces, par exemple, qui seraient plus résilientes au manque d'eau dans certaines régions. Donc ces solutions d'adaptation, elles existent déjà. Si on parle de l'augmentation du niveau des mers, certains pays savent très bien se protéger et ont même conquis des terres sur la mer en adaptant, en déployant des systèmes d'ingénierie, des digues. Et pas loin de chez nous, les Pays-Bas. Exactement. Donc ce que rappelle le rapport aussi, c'est que La Norvège, pour s'adapter à la montée du niveau des mers, il y a d'autres solutions que des solutions techniques. On peut compter aussi sur la nature en mettant en place en restaurant des zones humides côtières qui vont protéger les infrastructures près de la mer contre des épisodes de submersion marine. Donc on a toute une série de solutions d'adaptation. Il faut les mettre en place, les combiner dans le temps et prévoir à long terme. Christophe Cassou, un mot sur ces solutions d'adaptation? Elles sont absolument nécessaires. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est de rebondir sur ce que Magali Regaza disait sur le terme de co-bénéfice. Réduire les impacts du changement climatique ou s'adapter au changement climatique est associé en fait à des co-bénéfices. Co-bénéfices en termes de qualité de vie, en termes de qualité de l'air, en termes de rendement agricole. La qualité de l'air, en particulier les concentrations d'ozone jouant énormément sur les rendements agricoles. Donc, atténuer et s'adapter au changement climatique permet en fait de devenir beaucoup plus résilient et de s'engager vers des choix qui vont nous permettre d'absorber les chocs, l'inédit en fait que l'on va vivre. Parce que mon expérience dans les discussions avec les décideurs, t'a montré que il y a cette incapacité à prendre conscience que l'on va vivre l'inédit. le changement est acté, il faut se préparer, il faut anticiper sur le court terme et sur le long terme. Donc il s'agit de choisir aujourd'hui des actions sur le court terme qui ne soient pas incompatibles ou qui nous ne verrouillent pas dans l'immobilisme pour aussi le long terme. Et ça, c'est vraiment le challenge de l'adaptation et l'atténuation qui doivent être compris comme en fait les deux faces d'une même pièce. Et alors, on a parlé de l'adaptation, on va y revenir, hein, parce qu'il y a évidemment des obstacles qui sont pointés, mais sur l'atténuation, comment est-ce qu'on fait pour atténuer nos émissions, à part pousser les industriels, les pouvoirs publics à réduire les émissions? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes à l'atténuation? Puisque là, je suis retombé, alors il y a évidemment eu la crise Covid entre les deux, hein, mais pour les émissions de CO2, on est quand même loin du compte, puisqu'en 2021, encore on a 5% d'augmentation par rapport à 2020. Alors certes, avec la diminution qu'il y avait eu en 2020, enfin, on voit que année après année, et malgré les discours et depuis la fameuse COP21, les émissions de CO2 continuent à augmenter. Oui, on a retrouvé en 2021 le niveau de 2019. Non, sur les émissions, peut-être une raison d'espérer. On n'est pas encore sur la bonne trajectoire, mais peut-être rappeler qu'entre 2000 et 2010, les émissions ont cru de 3% par an. Donc c'était la grande accélération des émissions. Depuis 2010, les émissions continuent à augmenter sur cette décennie, mais ça augmente beaucoup moins vite. On est de l'ordre de 1% par an. Donc il y a déjà en place un certain nombre de politiques d'atténuation qui ont permis de découpler dans certaines régions l'augmentation du PIB, de l'augmentation des émissions. Donc il y a déjà des efforts qui ont été faits. On en discutait avec Christophe Cassou juste avant. Il y a une quinzaine d'années ou il y a une dizaine d'années, quand on parlait de scénario du changement climatique en fin de siècle, on parlait de 4-5 degrés de réchauffement. Ce qu'a rappelé Christophe tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec ces scénarios où il y a déjà des politiques climatiques, on va vers 2,7 degrés peut-être. Donc il y a déjà une partie du chemin qui a été fait. C'est pas suffisant. Clairement, c'est 2,7 degrés, on a beau le dire, et je préfère le rappeler, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, 1,5, 2,7, c'est pas beaucoup, c'est pas une grosse différence. J'entendais, je ne sais plus quel climatologue qui disait il y a peu de temps dans une interview, en fait, c'est exactement la même chose que la fièvre. Passer de 39 à 40,5, c'est pas du tout la même chose, et c'est grosso modo, il faut prendre ce référent, je trouve que ce référent est fonctionnel pour la planète, c'est-à-dire que 0,5 degré de plus, c'est être beaucoup plus malade et être beaucoup plus victime de ces troubles que vous décrivez du climat. Je vous laisse ça poursuivre. Oui, il y a beaucoup d'éléments dans le rapport aussi, hein. Il y avait des éléments dans le rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degrés, qui est sorti en 2018, qui montrait les différences d'impact, hein, entre 1,5 degré et 2 degrés. Et dans ce rapport-là aussi, on a un certain nombre d'éléments sur les risques d'extinction d'espèces entre 1,5 et 2 degrés. J'ai parlé des coraux tout à l'heure avec des vraies différences entre le 1,5 et le 2 degrés. Donc, un demi-degré, ça nous paraît faible. C'est une différence de température dont on a l'expérience tous les jours. Mais en termes de température globale, c'est très important. Finalement, juste de se dire que on a réchauffé la planète Terre de 1,1 degré, et vous avez vu la liste des impacts dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ces impacts, ils augmentent de façon importante avec le réchauffement global. Et donc, ça nous permet de bien comprendre que même un demi-degré, c'est énorme. Alors, deux choses pour conclure cette émission. La première, c'est que sur l'anticipation Laurent Bob, il y a aussi plusieurs points clés, ou Christophe Cassou d'ailleurs, qui sont pas encore très déterminés. Et il y a des inconnus dans ces équations dont on ne sait pas et qui peuvent faire basculer dans un sens ou dans l'autre la situation. Je pense aux calottes polaires et à leur effondrement ou non. Je pense au dépérissement rapide ou non de la forêt amazonienne ou l'instabilité de la circulation océanique, Christophe Cassou. Ce sont des variables qu'on ne maîtrise pas très bien et qui peuvent faire aussi une grosse différence par rapport aux scénarios qui sont déjà établis. Oui, dans notre jargon, on appelle ça les événements de faible probabilité à haut risque. En fait, c'est des événements dont on sait que la probabilité... On ne connaît même pas la... Prenez même pas la probabilité de ces événements. On sait qu'ils peuvent exister. On ne sait pas quand est-ce qu'ils pourraient se mettre en place, mais on sait très bien que leur impact serait très important s'ils advenaient. L'analogie que je fais pour ces types d'événements, c'est malheureusement l'expérience, c'est la pandémie du Covid. Une pandémie est un événement de faible probabilité. La chance d'avoir une pandémie est très réduite. On n'en a pas tous les ans. Par contre, quand elle survient, les conséquences sont globales et sont très importantes. Et dans le premier volet du rapport du GIEC, on a explicitement évalué ces événements de faible probabilité à haut risque parce qu'ils sont essentiels pour justement l'évaluation du risque, les techniques d'adaptation qu'il faut mettre en place, parce que c'est le panel des possibles qui est essentiel de considérer pour pouvoir anticiper, pour pouvoir s'adapter à ce panel des possibles complet. Donc il y a le dépérissement de la forêt amazonienne, il y a les calottes polaires qui si elles se déstabilisent, augmenteraient le niveau de la mer de manière considérable. Et donc tout ça s'est pris en compte et s'est traduit ensuite en termes de risque dans le groupe 2 pour l'ensemble des continents. Quoi. Laurent Bob, un mot là-dessus ? Oui, c'est ce qui nous permet aussi de discuter des problèmes de maladaptation. Quand on s'adapte, il faut réfléchir aux différentes échelles de temps et il faut réfléchir aussi aux incertitudes. En tenant compte, par exemple, de ces scénarios peu probables, mais à fort risque, si on réfléchit à l'adaptation au niveau des mers, et il y a des exemples en Angleterre avec la Tamise, par exemple, où dans les plans d'adaptation, on réfléchit à une augmentation du niveau des mers de 30 cm ou de 50 cm en fin de 21e siècle, mais il faut aussi réfléchir à ce scénario peu probable, mais à haut risque, où on dépasserait le 1,5 m. Et donc ça permet d'éviter de choisir des solutions d'adaptation qui finalement seront dépassées et qui vont nous bloquer, nous verrouiller dans un système qui va poser problème. Un dernier mot pour conclure, ce rapport, donc, on vient de le décrire, le précédent volet et le prochain sont assez significatifs et donne, j'imagine, à nos auditrices et à nos auditeurs l'envie de réagir. Maintenant, encore faut-il que les pouvoirs publics, les acteurs privés, que les individus, que les citoyennes et les citoyens se mobilisent. Vous parliez, Christophe Cassou, d'une inertie. Aujourd'hui, on voit bien que malgré la COP21, malgré les accords de Paris, malgré une diminution des émissions, on ne fait pas encore assez. Qu'est-ce qu'il faut débloquer pour justement réussir à aboutir à éviter le scénario du pire, en quelque sorte. En fait, il faut transformer ce défi climatique en opportunité. Opportunité pour repenser nos modes de vie, opportunité pour créer des imaginaires, s'imaginer dans 20-30 ans dans quelle société nous avons envie de vivre et de mettre en place en fait les techniques d'adaptation. Parce que on va affronter des extrêmes climatiques et les techniques d'atténuation qui nous permettent d'atteindre les modes de vie que l'on désire. Parce que je pense que c'est très important de faire comprendre aux auditeurs, on n'est pas ici sous la contrainte. On a encore le choix aujourd'hui. Les deux rapports le montrent bien que la fenêtre de tir se réduit. Mais aujourd'hui, en prenant des actions fortes et immédiates, on peut arriver vers des niveaux de réchauffement qui seraient compatibles avec des modes de vie heureux. Et si mon mode de vie heureux, c'est de prendre mon SUV diesel pour faire 850 mètres pour aller chercher du pain parce que je suis quand même très confortable à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Bob? Non, ça va pas aller. Ouais. Non, mais peut-être rebondir sur ce que dit Christophe. Finalement, et c'est ce qui se cache derrière les termes barbares que vous avez employés, développement résilient au changement climatique. Là, Et le nouveau rapport du GIEC fait une part importante à cette stratégie de trajectoire de développement qui combine à la fois des solutions d'adaptation, des solutions d'atténuation, mais aussi des réponses aux différents objectifs du développement durable. On peut penser le monde avec moins de pauvreté, plus de faim dans le monde, une meilleure santé pour tous, en répondant aussi aux objectifs du changement climatique. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller, vers là qu'il faut pousser les décideurs politiques. Mais il y a tout de même cette inertie humaine, c'est là-dessus que je voulais vous amener en un mot, Christophe Cassou. On vit dans ce petit confort qui est finalement un confort sans culpabiliser personne, où on a pris l'habitude de trop consommer, d'être pas très très économe en énergie de façon générale. C'est difficile de changer des mentalités. C'est difficile de changer des mentalités, c'est difficile du coup de changer les imaginaires, les réflexes, mais je pense que c'est les deux volets de ce sixième rapport montrent que en fait, sans solidarité, solidarité à la fois à l'intérieur des sociétés dans le même pays, mais solidarité aussi entre pays, en fait, le problème du changement climatique ne se résoudra pas. Eh bien, ce sera le très joli mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe Cassou, merci Laurent Bob d'être venu parler aujourd'hui même, le jour de la publication de ce deuxième volet du rapport du GIEC. De ce rapport, comme d'habitude, vous pouvez retrouver bien plein d'informations sur ce dont nous venons de discuter, ainsi que les rapports eux-mêmes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. La méthode scientifique, c'est Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucher, Kaelen Trigueros à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique, et comme toujours en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, si elle n'advient pas ce que l'on souhaite, jusqu'à preuve du contraire.